Kita mau ganti dong. Sur l'air, je suis. C'est ça la France. Allez, c'est le football! Odeur, elle est pas. Il y en a qui sauvaille pas, ouais. Tiens, tiens, ça y est. Oh là là là là là là. Oh là là, le massage. Oh le massage. Ah là. Oh le massage. C'est faux balle, c'est faux balle. Non, c'est pas faux balle. Oui, si, ça rebondit là. Oh, y a les flics là, quand ils ont retiré. Là. Ils ont pété les bagnoles. Là, ils vont là, les gars. Janek, schowaj się, chłopie. Je n'accepterai jamais que l'on remette en cause le droit à la sécurité d'Israël. Jamais. C'est le combat de ma vie. C'est le combat de ma vie.